Comme les yeux éteints ton souffle, oublie la lumière, laisse le sable entrer, laisse le vent t'effacer, laisse le silence parler à ta place. Raiders qu'il parle sans bruit, ses mots traversent les eaux. Pas besoin d'air, ils vivent dans le dessous. Là où tout est vrai. Là où le masque tombe. Le dessous du monde, là où rien ne pousse, là où la foi est nue et la peur effacée, là où ton nom devient poussière. Chaque grain écoute, chaque souffle porte un nom. Chaque silence est un enseignement et nous les récitions en boucle, comme un écho ancien, comme une spirale sacrée. Tu crois que tu marches? Non. C'est le désert qui décide. C'est lui qui t'autorise, c'est lui qui te tolère et qui peut t'absorber à tout instant. Chante bas, chante lent, chante vrai, sinon le ver n'entendra rien. Et si lui ne t'entend pas, alors personne ne le pourra. Riders qu'il n'invoque pas, il invite et les esprits viennent. Par respect, il s'asseye autour de lui et le sable s'immobilise. Nous avons dormi dans la roche, nous avons bu nos souvenirs et craché nos mensonges avant d'oser chanter, parce que chanter sans vérité, c'est profaner la dune. Le sable entend les voix pures, pas les puissantes, pas les belles, juste les vraies, les voix marquées par la perte, les voix usées, mais juste alors, parle comme si tu saignais, chante comme si tu mourais et marche comme si tu étais déjà de l'autre côté, parce que là-bas, tu n'auras plus besoin de prouver, juste de vibrer. Il invite et les esprits viennent par respect. Il s'asseye autour de lui et le sable s'immobilise. Nous avons dormi dans la roche, nous avons bu nos souvenirs et craché nos mensonges avant d'oser chanter, parce que chanter sans vérité, c'est profaner la dune. Le sable entend les voix pures, pas les puissantes, pas les belles, juste les vraies, les voix marquées par la perte, les voix usées, mais juste alors, parle comme si tu saignais, chante comme si tu mourais, et marche comme si tu étais déjà de l'autre côté, parce que là-bas, tu n'auras plus besoin de prouver, juste de vibrer. Du silence, Freeman, âme du dessous, Freeman, voix de la cendre, chantez dans l'oubli, chantez dans la roche, chantez dans l'oubli. Ce n'est pas un cri, c'est une vibration, ce n'est pas une prière, c'est une transmission de l'oubli vers la forme, du doute vers la lumière. Riderskill n'est pas un homme, c'est une onde, un courant, un souffle dans la dune, il est la pause entre deux battements, l'écho d'un nom trop lourd. Tu veux le comprendre, écoute sans attendre, entends sans chercher, il viendra. Pas pour t'enseigner, mais pour t'effacer correctement. Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des souffles, des battements, des chants qui creusent le roc, des rythmes à peine audibles, mais terriblement précis. La foi ne se crie pas, elle s'infuse, et si ton cœur est stable, tu sentiras le chant vibrer, tu le sentiras dans les côtes, comme une douleur ancienne. Riders qu'il marche dans ta tête, pas dans le sable, pas sur les roches, mais dans l'ombre, entre deux pensées. Il ne cogne pas, il se dépose et s'étend. Les vers s'arrêtent quand il parle, les grottes s'élargissent quand il chante, les larmes se perdent dans les grains, mais la voix reste. Toujours, toujours elle reste. Ce n'est pas un adieu, c'est une absorption, une fusion avec le dessous, une symbiose chuchotée. Et quand il se tait, le monde semble faux.